Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne en direct de 18h à 19h sur Radio Guémouzo 107FM. Et pour l'émission de ce soir, on va parler de musique et plus spécialement d'électro. Donc amateurs d'électro, pointez le bout de votre nez, cette émission est faite pour vous. On va parler d'un groupe tout jeune qui a sorti un album le 16 avril. Il s'agit du groupe John Universe pour leur album To The Stars. Et bien, j'ai les membres du groupe avec moi, Mathieu et Romain. Bonsoir. Salut. Alors, avant toute chose, on est là, bien entendu, pour parler de vous, de votre groupe, de vos inspirations et de votre album. Donc votre album, si je ne m'abuse, si je ne me suis pas trompée, il est bien sorti le 16 avril de cette année. Ouais, c'est ça. C'est votre premier ? Ouais. Alors c'est le premier dans la formation John Universe. Ah oui, parce que c'est pas votre tout premier. On a eu de nombreuses expériences avant, mais oui, sur ce projet c'est tout nouveau et ouais, on l'a sorti il y a quelques mois. Ah, et bien on va revenir tout à l'heure sur votre parcours musical, c'est quelque chose d'assez important et après tout c'est vrai qu'il y a certains artistes que je reçois qui disent aussi qu'ils ont fait partie d'autres groupes, mais en attendant si vous êtes là c'est pour votre album, pour aussi votre groupe qui a l'air d'être tout jeune, c'est bien ça? Alors ouais, en fait il est tout jeune, lui et non, parce qu'on avec Romain on se connaît depuis longtemps et le projet ça fait en fait on a travaillé dessus pendant pratiquement un an et demi, deux ans avant de le sortir, donc oui c'est tout frais dans le sens où on l'a sorti en octobre, Romain, si je me trompe pas, ouais. Octobre 2017 et puis voilà, l'album a suivi mais on a travaillé dessus pendant un bon moment. En effet, et c'est ainsi qu'est sorti votre album To The Stars, avec cinq morceaux tous dans une même veine. On va en parler tout de suite. Mais pourquoi votre album porte ce nom, To The Stars? Ah, To The Stars, parce que en fait, dans notre délire musical, on s'était retrouvé une fois à écouter des sons de l'univers sur YouTube et ça nous a inspiré, on s'est dit mais ça ressemble vachement aux sons qu'on sort avec nos synthés quoi, et d'ailleurs ces sons vous pouvez les trouver, c'est la NASA qui a enregistré ça, alors soi-disant c'est le vide dans l'univers mais eux ils ont réussi avec leurs capteurs un peu spéciaux à capter ces sons et c'est vachement bien, il faut taper Sound of Universe sur YouTube. Sur le site de la NASA, il y a aussi un SoundCloud qui est mis en place par, qui est au nom de la NASA, et puis on peut écouter ces enregistrements, et c'est assez surprenant parce qu'on se dit dans l'univers, il y a le vide absolu, on n'entend rien, mais en fait il y a des sons complètement fous. Mais des fois c'est perché. Ouais. Ah bah dis donc, ça je l'avais pas vu venir que l'univers faisait des bruits, ouais. Qui vous a inspiré et qui a inspiré d'ailleurs le nom de votre album. Mais j'imagine que c'est aussi en lien avec le nom de votre groupe, John Universe. Pourquoi ce nom-là, aucun d'entre vous ne s'appelle John? Et aucun ne s'appelle Universe non plus. Aussi. Non mais John c'est mon deuxième prénom. Ouais. Enfin le prénom que ma mère voulait me donner. Et donc après, mais en fait, ça s'est fini en romain. pour pas. Romain, c'est bien. Romain, c'est simple. Jones, là, on m'aura appelé Johnny dans la. Non. T'aurais eu des soucis. J'aurais fini les jambes écartées en train de crier le poing levé. Et univers, ouais, c'est justement ça, c'est l'univers, quoi. Oui, l'univers de John qui est, comme tu le disais, un des prénoms, enfin un prénom que tu aurais porté. Et c'est comme ça qu'est né John Universe. Est-ce que vous avez peut-être envie qu'on s'écoute déjà un premier morceau pour que les auditeurs situent un petit peu le contexte, même un extrait. Ouais, on pourrait écouter To the Stars. Si déjà, c'est, je pense que c'est le morceau qui synthétise bien, ouais, ce qu'on a essayé de faire. Alors voilà, comme vous l'avez proposé en introduction à cette émission, on va s'écouter To the Stars de John Universe et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Merci. I said I won't go. Nothing changed. C'était To the Stars, le premier morceau de l'album de John Universe. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Et si ce morceau vous a plu, je peux encourager les auditeurs à appeler. Hein. Nous avons des albums à vous faire gagner si vous le voulez. Il suffit de nous appeler au 03 29 62 40 40 et de nous donner le nom de l'album de John Universe. Tout simplement, on vous attend, on vous écoute, on attend vos appels. Et pour ceux qui ont aussi envie de réagir hein, en live. Vous pouvez aussi écrire sur la page Facebook Radio Gemozo. Donc, on est toujours avec Mathieu et Romain hein, pour parler un petit peu de votre parcours musical, de tout ce que vous avez fait. Et d'après ce qu'on a écouté, c'est quand même très électro. Vous avez dit que vous avez été inspiré par le son de l'univers, aussi des sons qu'on peut trouver aisément sur YouTube, hein, même ou sur un SoundCloud de la NASA, si j'ai bien compris. Mais pourquoi avoir choisi de faire dans l'électro ? C'est une bonne question. c'est venu assez naturellement. On avait déjà dans l'idée de faire un projet juste à deux. Et moi, je suis pianiste à la base et on est tous les deux assez fans des synthétiseurs des années 80. On en a une collection assez impressionnante. Et voilà, quand on a décidé de monter ce projet, on s'est dit on va faire quelque chose avec on va faire une musique électro mais avec des sons un petit peu rétro qui nous fait rappeler les années 80. Et pour nous c'était assez facile parce qu'on est équipé pour produire ces sons là. Donc c'est venu assez naturellement. D'ailleurs, comme tu parles de musique des années 80, il me semble que c'est aussi un petit peu le background de votre album. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un John qui trouve une cassette des années 80, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est l'histoire d'un personnage un peu... C'est fictif, tout ça. C'est pour faire un rappel... C'est un trentenaire, quoi. C'est un gars qui est né dans les années 80 et qui avait son Walkman, qui avait sa compile, qui avait tout ça chez ses parents et tout, puis il retombe dessus, là, en 2017, quoi. Et ça lui rappelle des souvenirs, quoi. Ouais, ça lui rappelle des souvenirs que vous retranscrivez. En fait, c'est un petit peu, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de ses souvenirs qui est ravivée et l'histoire de ce qu'il écoute, c'est ça ? Ouais, c'est un peu là. C'est un peu comme si c'était chacun de nos chansons, c'est un peu ce qu'il aurait pu y avoir sur cette compile, quoi. Oui, c'est tout ça. Et d'après ce que j'ai bien compris, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai pour la musique, vous avez fait d'autres choses. Donc c'est un petit peu le moment de vous demander depuis quand chacun vous faites de la musique. On va peut-être laisser Romain parler en premier. Depuis des temps immémoriaux. Non, la musique. Moi, j'ai commencé avec Iron Maiden. J'ai fait de la guitare à l'époque. Et ma mère faisait de la musique déjà aussi. Elle chantait et tout ça. Mais moi, j'étais pas trop branché. J'étais plus branché jeux vidéo, tout ça. Et un jour, d'ailleurs, je vais leur dédicacer cette interview parce que j'étais avec des collègues vosgiens là à Mulhouse, au lycée. Et c'est avec eux que j'ai appris à connaître Radio Gemozo, d'ailleurs. Ah bon ? Ouais. Il faisait des cassettes, des émissions et tout ça, puis on écoutait ça dans la chambre à l'internat. Ah, c'était vraiment cool. Et on écoutait Maiden aussi comme des malades. Puis je me suis mis à la guitare en jouant du Maiden. Et après, de fil en aiguille, toujours la guitare, guitare, guitare, guitare. Après, j'ai fait de la basse dans le groupe précédent. Ouais. Où on était ensemble. Et le chanteur, il s'est barré. Faut le dire. Bah oui, faut le dire. Hein. Et donc là, on s'est dit mais il faut qu'on continue quoi. On avait tellement un bon feeling et tout ça. Et on a un peu galéré à trouver chanteur chanteuse. Et puis on s'est dit allez, on se met un petit challenge quoi. Ouais. Et puis à chaque fois qu'on auditionnait un chanteur, on retrouvait pas ce feeling qu'on a entre nous. Et quand Romain du coup s'est proposé de prendre cette partie, c'était un grand bonheur parce que alors c'était on savait qu'il y aurait du travail parce que c'est pas comme ça, on s'improvise pas chanteur, mais pour nous c'était la situation idéale et ça nous a même rapproché. Ouais. Parce que donc si j'ai bien compris, bah déjà vous êtes un duo et donc au sein du groupe, donc toi Mathieu, tu es pianiste ou synthétiseur, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et toi Romain, tu es au chant et à quoi aussi ? Au chant et au café. Et un peu à la bière aussi. Non, mais c'est vrai parce que moi, ouais, Mathieu, il fait tout, il programme, il fait les sons. Alors j'apporte des petites idées de temps en temps, des petits trucs, mais j'aime bien le laisser faire son truc dans son coin, parce qu'il est extrêmement compétent pour ça. Il n'y a pas besoin de moi. Et moi, de mon côté, je fais le chant, ouais. Tu composes tes lignes de chant. Voilà, ouais. Mmh. Parce qu'en fait, moi, j'arrive à composer de la musique sans problème, mais alors, faire une ligne de chant, c'est quelque chose, j'en suis complètement incapable. Donc, c'est pour ça que c'est super, parce que lui, il y arrive très bien, alors, on est complémentaires, hein. Je pourrais pas faire de musique sans lui, et puis, toi, tu ferais du métal. Non, moi, je ferais de la musique de merde. En tout cas, entre le métal et l'électro, il y a un pas énorme. Comme tu l'as dit, toi, tu composes, donc j'imagine que c'est plus les sons des années 80 qui t'inspirent, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et toi, Romain, qu'est-ce qui t'inspire pour écrire les chansons? Ah, c'est dur à dire, mais... Parce que comme je suis chanteur depuis peu, je peux pas prendre... Enfin, on s'est rendu compte que je pouvais pas prendre mes influences musicales pour les retranscrire dans cette musique. Ouais. Parce que bon, je faisais du métal quand j'étais jeune, mais après, je suis parti dans un autre délire, jazz fusion, où ça déboule de partout. Et ça, je pouvais pas m'en servir non plus. Donc, j'ai dû puiser dans mon catalogue des musiques des années 80 que j'aimais bien. Alors, ça va de Phil Collins à... Comment il s'appelle? Peter Gabriel. Ouais. Bon, on tourne autour de Genesis, mais bon, faut le dire quand même. Mais après, il y a plein d'autres chanteurs, mais je me suis jamais posé devant une musique en me disant, ah tiens, je veux faire comme ça, je veux faire comme ça. Ça vient au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est pas un cheminement normal, parce que généralement, on prend des influences fortes et on essaye de les retranscrire. Mais nous, on n'essaye pas de faire ça, et Mathieu non plus, à la musique, on peut pas venir et lui dire, ah ben ce son c'est ça, parce qu'il essaye de trouver des choses fraîches, même si on utilise des sons des années 80, il faut quand même faire notre musique à nous, quoi, parce que repomper ça va pas, quoi. Mmh. Bien sûr, et en fait on en est au stade où quand on est en phase de composition, enfin surtout moi, j'écoute pas de musique. J'essaye vraiment de pas me laisser influencer par ce qu'on peut entendre à la radio ou alors ce qui marche bien sur Internet, justement pour pas faire une copie. Et du coup, c'est toujours assez délicat quand on nous demande, mais voilà, vous êtes inspiré par quel artiste? Parce que on est forcément inspiré, mais on essaye d'en faire l'abstraction. Oui, après, bon, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai déjà lu des témoignages d'auteurs qui se mettent dans des bulles. Donc, pourquoi pas les musiciens aussi? Après tout, c'est important de pas se laisser polluer ou trop influencer, mm-hmm. comme vous l'avez dit, pour faire des copies parfaites. Mais ça n'empêche que, voilà, vous avancez, vous faites, votre premier album, hein, To The Stars, du groupe John Universe. Mais je me rends compte que j'ai demandé à Romain quel est son parcours, hein, depuis quand tu fais de la musique. Je t'ai pas demandé d'où est venue cette passion, donc je vais te poser cette question et puis je vais après adresser les mêmes questions à Mathieu. D'où est venue la passion de la musique? Oui. Ah, mais je pense qu'on aura la même réponse. Mais en fait, c'est tout le monde faisait de la musique autour de nous dans le Sungo, de là où on vient. Tout le monde avait un groupe, alors que ce soit que celui qui tape sur un djembé ou l'autre qui fait de la guitare désaccordée, il y avait tous quelqu'un. Tout le monde faisait quelque chose. Tout le monde avait un groupe. C'était une émulation à l'époque, et de fil en aiguille, ben voilà, c'est venu comme ça, quoi. Mais ouais, je voulais être batteur au début. c'est un peu tu le dis avec tellement de tristesse. Ouais, mais parce que en fait, mais c'est ça la campagne. Il y avait pas de prof de batterie, il y avait pas YouTube à l'époque. Ah, c'est clair. Alors on a pris une gratte et puis voilà, on a commencé à gratter comme des malades et on s'est fendu la gueule, quoi. Mais voilà, ça n'empêche que tu as fait... D'ailleurs, il me semble que tu as été batteur dans un groupe plus tard, non? Non, non. Ah mince, tu as été bassiste. Bassiste. Ouais, bassiste. Je confonds un petit peu. Désolée. Mais à culpa. Et toi, Mathieu, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Alors moi, j'ai commencé à prendre des cours à 8 ans. Moi, je voulais faire de la guitare, en fait. Mais j'ai pas pu parce que J'ai un frère, et puis à l'époque, mes parents, quand ils nous ont inscrits, y en a un qui devait faire de la guitare et l'autre du piano. Et mon frère était plus rapide que moi, et du coup, voilà, je me suis mis au piano. Et c'était assez chiant, du coup, durant cette période où on avait tous nos groupes, pour arriver à placer son piano, parce que quand tu joues de la guitare, c'est beaucoup plus facile, ah, surtout ouais. quand tu fais du rock. Quand c'est tu viens avec rock. Ton piano, ils te regardent un peu bizarre. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir deux oncles qui avaient un groupe de musique à l'époque quand j'étais gamin, et je me rappelle voilà, c'était pour moi c'était fou de les voir jouer dans leur petit studio avec ces instruments qu'on réutilise aujourd'hui, des boîtes à rythme, des sampleurs, des vieux sampleurs, c'était la même démarche qu'on a aujourd'hui dans la recherche sonore, et c'est ça qui m'a donné envie aussi de commencer un projet électro. Et c'est comme ça que les choses sont venues, mais tu as dit que tu voulais déjà faire de la musique, hein, guitare ou piano, ça reste une envie de faire de la musique. D'où t'es venue cette passion ? C'est compliqué comme question. c'est venu naturellement, voir mes oncles faire de la musique, voir mes amis faire de la musique, et puis je pense quand tu commences un instrument, tu te rends vite compte si c'est ton truc ou si c'est pas ton truc, et puis ça s'explique pas, et c'est une manière de s'exprimer, et t'arrives à un stade où tous les jours t'es obligé de jouer, c'est comme une drogue, c'est comme ça. Ouais. Dis-le que tu rêvais de devenir une rockstar. Ouais. Ouais, et puis il y avait aussi pour les filles, mais ça a jamais marché, bizarrement. disons, un piano, c'est un petit peu plus difficile à transporter à la plage, déjà. Ah, c'est chaud. C'est fou, l'image, hein. Plage, guitare, gonzesse, quoi. Ah, ouais, ouais. Mais on n'a pas de plage chez nous. Non, il n'y a pas de plage. Ouais, il n'y a pas de plage. Il y a la largue. Il y a la plage du bord du Rhin, mais bon. Ouais. Sinon, c'est tout. Mais on va s'écouter un autre morceau, cette fois pas de votre album, hein, un morceau que vous m'avez suggéré, qui est un petit peu une inspiration, un morceau que vous aimez bien. Par contre, je vais écorcher le nom parce que c'est pas une langue que je parle. Hein. Niflhéireann de Asgeir. J'espère que ça a été à peu près. Niflhéireann. Et c'est un artiste de quelle origine ? Il est islandais. Il est islandais, donc on va s'écouter de la bonne musique islandaise et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Oh mince, j'ai encore fait une bêtise, hein. Ça c'est de pas être doué. C'est les aléas du direct. Voilà, ça c'est quand on se trompe de bouton alors qu'il y a tous les trucs avec les bonnes couleurs. Donc maintenant c'est bon, j'ai le bon bouton, on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Stop. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM. Vous venez à l'instant d'écouter, tu peux le dire Romain, tu le prononces mieux que moi. C'est Asgeir, c'est Niphalis Rain. Et vous êtes toujours, hein, chers auditeurs, toujours avec le groupe John Universe, donc composé de Mathieu et Romain, qui sont là pour présenter un petit peu leur album, leur parcours, et bien entendu leur événement à venir, parce qu'ils ont un événement incessamment sous peu et dans le coin. Donc c'est aussi pour ça, c'est vrai que j'ai failli oublier de le dire alors que je l'ai noté, mais j'y pense en fait. C'est vrai qu'on a parlé de comment dire votre parcours, vos inspirations. Par contre, j'ai pas pensé à vous demander pourquoi c'est chanté en anglais. On parlait des influences tout à l'heure. Ouais. Et moi personnellement, j'ai jamais, enfin, si j'écoute de la musique française, c'est Pierre Perret ou Alain Chamfort ou des trucs comme ça. Moi, le rock et la pop que j'ai écouté, ça a toujours été anglais. Donc, si je fais de la pop, je la chante en anglais. Parce que si je la chante en français, ça sonnera faux, quoi. J'ai pas mes repères. Voilà, donc c'est plus une question de feeling, de confort, et pas spécialement pour une question d'accessibilité à un public plus vaste, comme certains le font, comme Scorpion par exemple, en parlant de ouais. De la vieille. Ouais, non, parce que bon, on s'est jamais posé la question de toute façon. Oui, ça s'est fait. D'après ce que j'ai compris, les choses se sont faites assez naturellement quand même entre vous pour l'idée, les musiques, les textes, c'est vraiment... Non, parce que si Mathieu il était venu chez moi et qu'il m'avait dit « Mec, faut que tu chantes, et en plus tu chantes en français », ah là, ça aurait été complexe. T'aurais pas forcément su quoi chanter, mais après tout, hein, vu que on l'a bien compris pour To the Stars de John Universe. D'ailleurs, bah vous pouvez toujours appeler pour avoir un album. Hein, appelez-nous, c'est appelez-nous. Alors la réponse c'était To the Stars. Et appelez toujours au 03 29 62 40 40, ce sera un plaisir que je prendrai vos appels. Donc voilà. Et oui, on a parlé de parcours, donc c'est vrai qu'on a parlé du avant, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas votre premier groupe à chacun. Donc ce serait peut-être bien de savoir ce que l'un et l'autre vous aviez déjà fait avant, et peut-être les styles aussi. Parce que bon, toi t'as fait du métal, Romain, donc t'es quand même passé d'un style à un autre, faut le dire. Donc quels sont les différents groupes auxquels t'as fait partie? Mon premier groupe, c'était Seasons. Paix à son âme, ce groupe, il s'est éteint, mais il y a longtemps. Et après, j'ai plus eu de groupe. Après, j'ai fait la MAI à Nancy. Alors, j'ai fait divers groupes de jazz fusion un peu fous, quoi. On faisait des concerts sous des chapiteaux et tout. C'était une époque un peu sauvage. Mais après, j'ai plus eu de groupe. Jusqu'à que je rejouais avec Mathieu. Ça s'est fait vraiment bizarrement. Une fois je suis allé chez lui, il avait son nouveau groupe avec le chanteur qui s'est cassé, l'autre justement. Et je venais lui emprunter une basse, et puis fil en aiguille, il me dit tiens, écoute ça. Puis je lui dis ah, mais je verrai bien de la basse là-dessus. Et puis pouf, voilà. Et ça, c'était il y a 3-4 ans, quoi. Ouais. Mais entre-temps, j'avais plus de groupe, quoi. Oui, les choses ont fait que ça va, ça vient. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et toi, Mathieu, c'est quoi ton parcours? Alors, mon premier groupe, c'était au saxophone. Parce que j'ai fait du saxophone. Aussi. J'ai fait partie d'une fanfare. Alors, je l'assume pas trop. La fanfare de Sepois. La fanfare de Pfetrouz. Waouh. Ouais. Ouais, c'était assez puissant. On faisait même des reprises de Queen, des trucs comme ça. Alors, au saxophone, ça déboîte. Ouais. Et ouais, parce que quand t'es au piano, ben, c'est compliqué. Bon, au piano, ça déboîte aussi, hein. Freddie Mercury, il se débrouille ouais, pas mal. Ouais, mais quand t'es jeune. Et puis après, je suis parti plus dans le rock et là, j'ai réussi à. J'étais à l'époque vachement influencé par Muse et du coup, j'ai monté un projet qui ressemblait un petit peu. Et ça a duré très longtemps. Et au bout d'un moment, on avait fait le tour et puis on avait envie de passer chacun à autre chose. Et après, je suis parti dans quelque chose d'un peu plus électro. Et tu sais pas par contre ce qui t'a amené à faire dans l'électro? Moi? Mathieu. Déjà Mathieu, mais je peux aussi te poser la question. T'inquiète pas. Mais tu me regardes, moi. Non, ben moi, c'est parce que... À la fin de mon projet, de mon groupe de rock, en fait, je faisais déjà des productions entièrement à l'ordinateur, et puis ça me fascine la façon de composer, la façon de rechercher le son, d'aller dans le détail. C'est chirurgical, et c'est ça qui m'a donné envie de partir dans l'électro. En fait, c'est la manière de composer et puis l'outil à disposition qui est assez extraordinaire. Ouais, ouais. Et toi, Romain, qu'est-ce qui t'a mené à l'électro ? Bah, en fait, là, je viens d'y réfléchir pendant 10 secondes. En fait, c'est moi. Non, mais une fois, j'avais téléchargé un synthé sur mon smartphone. Ouais. Et je me souviens avoir commencé à jouer, mais très mal. Hein. Ouais. Mais je faisais toujours la même note. Je gardais le doigt appuyé et il y avait des... Tu peux changer les sons là avec le tactile. Mmh. Et j'étais resté comme scotché. Mais c'était des sons fous, hein. C'était des sons vraiment. Mais je me souviens que ta femme, elle en parle encore. Ouais, ouais, mais elle a demandé s'il fallait qu'elle appelle les pompiers parce que ça faisait. Mais tu sais, cette évolution du son électronique, tu vois, tu peux vraiment. Ah, mais tu peux, je pense, tu peux mettre les gens en transe, tu vois. Ouais. Mais tu le vois, de toute façon, quand il y a les Thunderdome et tout ça, il y en a un max qui prennent de la drogue, c'est clair. Mais je pense que la plupart, ils sont vraiment en transe avec cette musique, tu sais, je veux dire, le rythme, c'est, tu sais, le toum, toum, toum, toum, toum, toum. C'est de l'accéléré de ce qu'ils font en Afrique et tout ça, ou dans les pogo, les Indiens, tu sais, toujours cette pulsation. Il y a un truc qui se crée, tu vois, avec la vibration. Et c'est pour ça qu'on danse sur des rythmes simples. Parce que ça colle à, ça nous imprime quelque chose. Et je pense que c'est ça, ouais. D'ailleurs, une question que je me pose, vous avez eu plusieurs groupes et là vous en avez un. Est-ce que c'est votre profession ou vous avez quand même quelque chose à côté ? C'est pas une question qui fâche, hein. Non, bah c'est pas notre profession. On aimerait beaucoup, mais aujourd'hui c'est très compliqué d'en vivre. Alors on a la chance de tourner pas mal, d'avoir quelqu'un qui nous suit et qui nous trouve des dates, c'est Thomas de Pandarou. Mais voilà, s'il fallait que en vivre, enfin que vivre de ça, ce serait très très compliqué. Et garder un boulot à côté, bah ça nous permet de financer ce projet, parce qu'on pourrait pas sinon, tout simplement. Mais il n'empêche que vous réussissiez à créer un univers avec tout ça, un univers quand même très vaste. Si on s'écoutait un deuxième morceau de votre album... Avec plaisir. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu proposes, Mathieu ? Bah, on pourrait peut-être partir sur Crack My Head. Donc... Alors, c'est un morceau qui a été composé par Romain. Ouais. Et ça transpire les années 80, on aime bien. Donc, on s'écoute ça et on en parle juste après sur Radio Guémozo. Oh, vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si quelqu'un veut gagner un album de John Universe, il suffit de donner le nom de l'album, je vais pas le dire, ça me démange, mais appelez au 03 29 62. Ah au 03 29 62 40 40, ce sera pour vous, ce sera cadeau. Et vous pouvez aussi, comme d'habitude, réagir en live sur la page Facebook Radio Gémozo, vous en faites pas, l'onglet est ouvert, donc je suis sans problème. Et je suis toujours avec Mathieu et Romain, hein, du groupe, du duo John Universe, un duo très électro qui présente son nouvel album, ou même son premier album. Et juste avant la pause musicale, Mathieu, t'avais fait comprendre que c'était assez important de se pencher en fait sur la création de la chanson Crack My Head. Et si j'ai bien compris, Romain, t'as beaucoup participé à cette chanson, enfin ce morceau, non? En fait, il l'a complètement composé même. Ah ouais, ouais. Ah, des fois j'ai des éclairs, mais c'est quand je compose le chant. Des fois je suis devant le synthé là, puis moi ça part d'un son, tu vois, une note, ting, ah ok, après j'assemble, mais ça me prend un peu de temps, tu vois. Et après je lui ai envoyé et il m'a dit que c'était cool, et puis on l'a utilisé, voilà. Mais attention, je compose d'autres trucs, mais ceux-là on les garde dans un coffre, parce qu'il y a beaucoup de daubes, il y a beaucoup de daubes aussi, et des trucs vraiment très pourri, mais celle-là, elle était pas mal, donc on l'a gardée, quoi. Donc, en fait, les morceaux que vous proposez, ce sont des morceaux que vous avez vraiment approuvés et aimés, même si vous en avez fait beaucoup d'autres, on va dire. Oui, on a vraiment une collection assez impressionnante de morceaux, ouais. Avec juste 30 secondes, ou alors juste une syllabe de Romain, on a dit non, c'est pas possible. Mais ouais. Non, ben, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé pendant 2 ans, parce qu'on a beaucoup composé, et on a essayé de choisir ce qui sonnait le mieux. On n'a pas essayé de faire du volume, on a essayé de faire de la qualité. Et oui, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 5 morceaux, mais 5 morceaux d'un même ensemble, d'un même univers, mais ça n'a pas été trop difficile. Après, le choix de ça on garde pas, et même peut-être il y a certains pour qui il y avait l'hésitation. Non, avec Mathieu, c'est vite vu. Si ça lui plaît pas, ça dégage. T'entends juste la corbeille du PC qui fait... Et ça a disparu, tu vois. Et ça a pas été trop dur, ou vous étiez, comme je l'ai bien compris, assez naturellement d'accord? Ouais. Moi, j'étais d'accord pour pleurer. Non, mais moi, je le laisse faire, tu vois. Mais quand t'as un mec qui est bon dans quelque chose, faut pas le freiner, tu vois. Ouais. Faut pas commencer à blablayer. Bah, des fois, j'essaye de discuter un peu, mais faut faire confiance aux gens, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne dans un groupe, tu vois. C'est comme dans une entreprise, c'est comme dans une radio, si je sais pas comment vous travaillez, mais si tout le monde commence à faire tout et mal, forcément ça finit mal. Ouais. Et chacun fait ce qu'il a à faire et il le fait bien. Moi, j'ai pas de lutte d'ego avec Mathieu, j'ai pas de trucs comme ça. Je veux dire, là encore hier soir, cette semaine là, on compose des nouveaux morceaux maintenant, et je lui ai envoyé des parties de chant, et puis si c'est pas bien, il me le dit. Tu vois, et puis il faut pas, dans un groupe, il faut pas commencer à se la jouer. Ouais, je suis chanteur, alors c'est moi qui choisis ce que je fais au chant et tout ça. Il faut qu'il y ait une concertation, mais c'est quand même Mathieu qui a le mot de la fin. Ouais. Parce que c'est sa musique, je pose mon chant sur sa musique, donc c'est sa création. Il faut respecter ça, quoi. Il faut le respecter, bien entendu, et d'ailleurs tu viens de lever le voile sur une chose que j'ignorais, c'est pas forcément le chanteur qui est le leader du groupe, qui compose et qui écrit. C'est un cliché, hein, mais c'est vrai que dans beaucoup de groupes, du moins très médiatisés, il semble que c'est plutôt le chanteur qui porte tout. Là c'est plutôt le pianiste. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il est très humble, donc il se rend peut-être pas forcément compte de l'importance qu'il a dans ce qu'il apporte, et c'est cool. Non, je sais, ouais, après c'est sûr que quand il faut trancher, moi je suis plutôt cash, et voilà, si ça plaît pas, on passe à autre chose. Et j'ai eu trop d'expérience dans mes groupes passé où on essayait de rattraper un truc qui sonnait pas super bien dès le début. Et je pense que c'est ça la clé, c'est quand tu fais un morceau, voilà, si Romain se place et puis d'emblée on sent que ça sonne bien, c'est que c'est un bon morceau. Si c'est très compliqué et qu'on se dit on va passer un mois dessus pour que ça fasse quelque chose, il faut pas perdre son temps, il faut passer directement sur autre chose. Et on va tout doucement passer sur autre chose avec une quatrième pause musicale, un autre morceau, un Ultravox cette fois que vous m'avez proposé, vu que comme ça on alterne, on varie. Le morceau s'intitule Dancing with Tears in My Eyes, donc danser avec des larmes dans mes yeux. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. C'était le morceau Dancing with Tears in My Eyes. Je vais y arriver. est toujours là pour faire la promotion du groupe John Universe composé de Mathieu et de Romain. Et pour ceux qui ont toujours envie de découvrir leur album et même d'en gagner un, il y a tout à fait la possibilité de le faire. Hein. Appelez au 03 29 62 40 40 et dites-nous quel est le nom de l'album de John Universe. On répondra au téléphone avec plaisir. Donc, comme je le disais, hein, c'était le morceau Dancing with Tears in My Eyes. Ce morceau, dis donc, il transpire les années 80. Authentique, ouais. Ça, c'est vraiment un morceau pur jus, vraiment tiré des années 80. On peut pas faire plus vrai, plus pur. Voilà, c'est un petit peu dans l'esprit de John Universe, hein, un petit peu de l'électro qui tire un peu sur les années 80, comme je le rappelle, hein, un peu le background, c'est un certain John qui tombe sur des cassettes audio de son enfance. En parlant de cassettes audio, il y a quelque chose que vous savez pas, mais Mathieu et Romain, je vais y arriver, excuse-moi, m'ont ramené une cassette audio de leur album. Hein. Je pensais pas que c'était encore possible d'en faire. Pourquoi vous avez fait ça? C'est surprenant. Ah, mais t'as vu la tête que t'as fait quand tu l'as reçu? Ah ouais. C'est pour voir ça, tu vois. Les gens, tu vois, qui se disent mais merde, mais pourquoi j'ai jeté l'autoradio de ma bagnole? Oui, mais c'est vrai que ça se fait. Enfin, on n'en fait plus trop des lecteurs cassettes ou ils en font à nouveau pour les nostalgiques, parce que c'est vrai que des cassettes audio, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. On a trouvé des Walkman sur Amazon, tu peux encore acheter des Walkman neufs. Bon, la qualité, elle est... Non, et puis tu peux convertir aussi tes cassettes. Tu ranges ton Walkman sur l'ordinateur et du coup tu peux convertir le son John Universe en cassette sur ton ordi. D'ailleurs, je vois aussi que pour les chanceux qui auront un album, hein, on peut avoir une copie digitale avec un code. Je vais pas vous donner celui que j'ai, hein, après tout c'est trop facile. Oui, en effet, c'est pour faire aussi d'une pierre deux coups. Il y en a quelques-uns qui font ça, mais c'est vrai que le coût de la cassette audio, je l'avais pas vu venir, quoi. On y a pas réfléchi pendant longtemps et c'est vrai que en fait on réalise qu'aujourd'hui la musique elle s'écoute plus de la même manière qu'il y a 10 ans et aujourd'hui les gens pour écouter de la musique ils se connectent sur internet, sur Deezer, Spotify et ils la consomment en dématérialisé. Et alors on a fait des CD parce que il fallait faire des CD pour la promo et puis on s'est dit pour les concerts on va pas vendre des CD parce que c'est devenu has-been. Ouais, c'est plus personne c'est n'achète de CD. Mais par contre, on va proposer un bel objet et puis l'idée de la cassette avec ce code de téléchargement, ça nous paraissait assez chouette et on a eu la chance de trouver une boîte qui les pressait à nouveau et pour nous c'était un grand bonheur. Oui, bah autant dire, hein, c'est collector, celui-là, il va rester sous blister très longtemps, par peur de l'abîmer. C'est vrai qu'après tout, c'est une denrée tellement rare. Et on aura, comme tu parlais de concert, le moyen de vous écouter et de vous rencontrer à Vanier pour la fête de la musique le 21, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Organisé par Rudy. Ouais. Qui est donc Rudy? Tu connais pas Rudy? Non, Rudy, c'est... Aïe, est-ce que tu es vosgienne ou pas? Ça fait pas longtemps que je vis ici. Ah voilà, mais tu viens d'où alors? C'est compliqué. Ah voilà, mais nous, faut qu'on explique tout John Universe et toi, tu nous dis rien. Non, Rudy, c'est le patron de l'estaminet à Vanier. Ah d'accord. Ah, c'est un personnage. Bonjour, Rudy. Ah, mais t'iras le voir, un de ces quatre. Bien sûr. Ouais, c'est un vrai passionné et il y a peu de personnes comme lui. Ouais. Et il donne vraiment de sa personne et non mais c'est voilà. Clair, Rudy vient, tu vois, on joue John Universe, tu vois, ça nous est pas encore arrivé qu'il y ait des gens qui viennent danser devant, quoi, dans un bistrot, tu vois. Et là Rudy, il est venu avec les gens danser, tu vois, le patron du bar, quoi. Alors on a fait des bars où les gens ils s'en battaient complètement les couilles jusqu'au patron, et d'un autre côté t'as Rudy qui te met la salle en feu, quoi, pour John Universe. Et ça c'est génial, tu vois, tu t'en souviens. Ouais. Tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Et c'est et je sais que tous les groupes qui sont allés jouer chez lui, c'est un très très grand moment, quoi. Ils s'en souviennent, quoi. Donc la fête de la musique va être au demeurant, quoi, ça va être génial. Donc on se le rappelle, et quelle est l'heure? C'est à partir de 21h, quelque chose comme ça? Ouais, ou... même plus tôt, hein. Alors nous on joue à vers minuit, 1h du matin. Et ça commence, ouais, de toute façon il y a des activités, merguez, tout ça, là ça commence à 18h, non? Ouais. Ah ouais, donc ça commence assez tôt. Je sais pas si vous savez s'il y a un prix d'entrée. Non, c'est gratuit. C'est nickel, un bon entendeur pour les auditeurs. Centre-ville de Vanier. Tout simplement. Et pour ceux qui pourront pas se rendre à Vanier, vous aurez un autre concert cet été. Un concert dans un grand événement quand même. Il s'agit de la Foire au vin à Colmar en août, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc, le 3 août. Le 3 août, vous passerez comment? Ce sera un concert que pour vous ou c'est comme une espèce de hard rock session version électro? C'est ça. C'est une scène off en fait. C'est une petite scène qui est montée sur le site de la Foire au vin. Et on joue à quelle heure, je sais plus. Vers 18h, il me semble, et c'est le soir où Santana vient jouer. Ouais. Donc on désespère pas, peut-être qu'il nous rejoindra. Il nous verra avec Keita et avec le synthé, on monte sur scène avec lui. Mais oui. On espère dans tous les cas que ça se passera bien pour vous. Donc je rappelle la fête de la musique à Vanier le 21, donc entrée gratuite bien entendu, avec plein d'animations tout au long de la journée. Vous, c'est plus vers minuit, 1h que vous allez jouer. Ouais. Donc la fête va durer longtemps, et on va partir dans les étoiles au plein milieu de la nuit. La Foire au vin le 3 août à Colmar à 18h pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de vous voir. Ah, j'ai envie de proposer un dernier morceau, on a plus trop le temps, c'est dommage. Mais pour ceux qui ont quand même envie d'écouter plus de morceaux, hein, vous pouvez toujours appeler pour gagner un album, hein, c'est gratuit. Il n'y a aucun problème, toujours au 03 29 62 40 40, ce sera avec plaisir. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui a titillé mon attention. Tu as parlé de Rudy et qui a fait danser en fait les gens pour vous. Globalement, la question s'adresse un petit peu aux deux. Parce que de toute façon, elle s'adresse aux deux. Quel est l'accueil du public vis-à-vis de vos chansons? Oh, ils tirent la gueule. Hein. Non, bien. Les gens, ils sont open. Après, le plus dur, lors d'un concert, c'est de faire venir les gens, en fait. Parce que les gens, ils aiment bien être chez eux. Petit soleil, petite bière, petit barbecue. Je les comprends. Mais après, nous, on aime bien avoir du monde à nos concerts aussi. Hein. Ben, je m'adresse aux gens, là. Mais... Non, il faut les gens, ils sont vachement réceptifs. Ils aiment bien, comme tu vois. Alors ça va des quarantenaires qui viennent nous voir. Ouais, ça me rappelle la musique de ma jeunesse. Aux jeunes, les jeunes, ils sont taqués aussi. Ils nous voient. Ça les fait plus délirer, je pense, de nous voir avec nos synthétiseurs et tout ça. Mais si tu veux, c'est pas une musique plate qu'on fait. Elle tape un peu quand même. Donc les jeunes, ils se retrouvent dedans parce que ça en live, ça bouge quoi. Ouais. T'as rien à ajouter, Mathieu? Pas mieux. Donc voilà, ça c'est pour l'accueil. Ça c'est un petit peu les questions que j'avais à vous poser. Mis à part les concerts, les événements à venir. Et je vois que l'heure tourne, donc on va déjà bientôt devoir se dire au revoir. Est-ce qu'on s'écoute une dernière partie de chanson, un dernier morceau? Alors je vous laisse le choix entre Arms of Mine de Le Cassette ou un morceau issu de votre album. Qu'est-ce qui vous tente? On pourrait peut-être écouter The Island. Oui, The Island. Ouais. Donc écoutez le deuxième morceau de l'album, on s'écoute ça et on se retrouve juste après pour se dire au revoir sur Radio Gamozo. Oula, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait une bêtise. Je sais pas trop ce qu'il en est. Ah oui, c'est normal, je me suis encore trompée de bouton. Voilà, ça c'est quand on a plusieurs boutons à gérer en même temps. Mais c'est bon, j'y arrive. Donc c'est The Island de John Universe. C'était le morceau The Island, le dernier morceau qu'on s'écoutera pour ce soir, le morceau The Island tiré de l'album de John Universe, album intitulé To The Stars, hein. Il est un petit peu tard pour appeler maintenant, mais pour ceux qui veulent toujours un album, hein, vous pouvez toujours nous écrire sur Facebook, vous pourrez toujours en gagner un par là. Je suis toujours, et même pour la fin, avec Mathieu et Romain du groupe John Universe. On a vraiment, vraiment parlé de plein de choses, de votre univers, de vraiment de tout, de... Je sais même plus quoi dire. mais voilà, on a vraiment, j'espère, présenté au mieux votre univers à vous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Non. Nous, on aime bien les pouces sur Facebook. Ouais. Ah, alors, les petits j'aime. Ouais, petits j'aime, on aime bien. Mais c'est dur, les gens en concert, tu les vois tous en train de tripoter leur portable, en train de filmer. Il y a des gens qui sont venus me filmer à 10 cm de ma tête avec le flash, quoi. Mais après, tu demandes aux gens de liker. Alors ils te disent tous on a liké, mais vous avez liké quoi? Mais nous on trace les gens qui nous disent ça. On les traque. Donc il faut pas hésiter à liker votre page Facebook John Universe. Est-ce que vous avez aussi un site internet? J'imagine que oui. Johnuniverse.com. Donc ça c'est les références pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, et pour ceux qui veulent aussi qui ont un petit peu de mal à trouver la page Facebook, hein, vous inquiétez pas, elle est taguée sur notre page Facebook Radio Gemozo, hein. Elle sera taguée aussi dans l'émission qui sera mise en podcast tout à l'heure. Mais j'entends déjà le générique qui pointe le bout de son nez, donc on va déjà devoir faire la programmation, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient juste après. Donc en effet, hein, une fois que l'émission sera terminée, ce sera le tour d'Antoine pour son émission Ce qu'il faut savoir. Ensuite, à partir de 21h, ce sera l'émission Mosaïque avec François. Et la prochaine émission, c'est la rediffusion de ce que vous venez d'écouter à l'instant, demain matin, de 7h à 8h, suivi, comme on sera jeudi, de la chronique de Michel et enfin de la matinale de Marion à 8h30. Pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre la rediff demain matin, hein, ce sera sur la page Facebook et sur le site radiogemozo.eu, rubrique L'heure des loups. Et pour ceux qui en ont assez pour aujourd'hui et pour demain, on se retrouvera demain à même heure avec ASGDC, si je vais y arriver, l'association sportive de Girancourt, de Martin, Aubois et Chaumouset, pour leur foire de l'art frite et le trail des brûlés. C'est bon, j'y arrive. Donc voilà, c'était Mathieu et Romain pour John Universe, un univers très électro, un univers très éthérique, on va dire, pour votre album qui est sorti le 16 avril. Et encore, je le répète, hein, vos concerts donc à la Fête de la Musique à Vannier jeudi 21 dans le centre-ville, et à la Foire au vin de Colmar le 3 août. Si vous avez une dernière chose à dire, à ajouter, c'est le moment. Bah déjà, merci pour ton accueil, pour la visite des locaux. Non, c'était très chouette, merci. Bah merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite beaucoup de courage pour jeudi de la semaine prochaine. Aux auditeurs, merci beaucoup de votre attention et de votre écoute attentive. Hein. Je vous écoute quand vous m'écrivez, vous inquiétez pas. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très belle soirée et rendez-vous demain, même heure, sur Radio Gemozo. Merci.